Allô, allô, allô! Bonjour! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et la seule et unique, ultime, la seule, suprême, elle règne maître, she sets the bar, she elevates the bar. Avez-vous senti cette fraîcheur? C'est l'ombre de Deux Fifs le matin. Yes! Radio Poubelle homosexuelle de gauche, je pense qu'on a jamais fini la phrase, mais c'est ça. Ça c'est nous autres. Ah, hey, je t'ai excité, je t'ai énervé. Tabarnak, we back. We back. Toutes ces sons-là, on est saison 4. Saison 4, puis parlant de poubelle homosexuelle, on va se présenter, Chris, il y a peut-être du monde qui vient d'arriver, là. C'est vrai, à quatrième saison. Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin, puis je voudrais savoir c'est laquelle d'entre vous qui a fourré le grand frère à Bagou dans Cornemuse, est-ce que j'avais pas besoin de ça, moi, à variole du singe? Est-ce que... Je sais pas si tu sais à quel point t'es de ton temps en ce moment. Oui. Je vais te l'expliquer après. Parfait. Moi, c'est Jess PVM, ordure rose, poubelle, vidange, anciennement concierge et maintenant réceptionniste. Ouh, bitch. Oui. Ouh, bitch. Oui. Ouh, bitch. J'ai changé de job, on va dire. Ouais. Céline n'avait pas raison, on change des fois. Oui, oui, oui, j'ai changé de job. Oui, oui, oui. Il s'est passé quelque chose avec l'autre job qui a fini avec un NDA. Fait que c'est ça l'histoire. Tabarnak. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et là, on va régler quelque chose. C'est saison 4, c'est la quatrième saison. La prochaine personne qui s'adresse à moi puis Charlie en disant « Les boys, I'm gonna smack the taste out of their face. Je suis plus capable. Ouais. I am non-binaire, bipolaire, sobre et agréable. Oh, » ça, surtout ça. Surtout ça. C'est beau le divan orange derrière toi, par exemple. Ah, c'est... Moi, je Ouais. C'est donc ça le sujet d'épisode aujourd'hui, le divan orange. C'est pas un bar, c'est un meuble qu'on a ici. Ouais, ben c'est plus un bar, certain. Ah non, c'est vrai, c'est fermé. Non, c'est fermé. Quel dommage. Hey, toi, t'es pas de ton temps, par exemple. Ça fait longtemps que t'es sorti. Fait que là, c'est ça, t'es vraiment de ton temps parce qu'en ce moment, le trend sur TikTok, c'est Lost Tune de Cornemuse. Ah ouais. Ils mettent ça sur tous les vidéos. Moi, croyez-le ou non, c'est Jess qui me garde jeune en me tenant au courant des jeunes TikTok. Moi, j'ai aucune connexion avec ça. Je sais que c'est un gobe-temps dans lequel je ne peux pas me mettre. J'utilise des mots comme purr. Ouais. Qui est de très très Gen Z, je pense que ça veut dire comme OK ou nice ou c'est cool. Comment? Oh my god, girl. Fait que... Moi, au rythme où je vieillis, là, c'est déjà rendu comme 1.95 fif le matin. Là, genre, je dégrade tranquillement pas vite. OK. Je moisis devant toi. 1.95. Oui. C'est correct. T'as pas trop dégradé. Oui. Ça commence lentement, mais sûrement. T'sais. Mais là, quand je vais me laisser du temps, là, je viens d'avoir 34 ans. Souhaitez-moi bonne fête. C'est pas un rythme alarmant. Oui. Là, c'est bien. Ça vient d'être ma fête. Ça fait comme une semaine, mais c'est comme le mois de ma fête. C'est plus vrai, on est en septembre. Et puis là, le monde qui nous dit que l'été est fini, là, le 4 septembre, tabarnak. Non. Il me reste le mois de septembre, puis un petit bout d'octobre où on a de l'espoir. Puis non, on a, je sais, mais c'est la rentrée. Le monde a sorti leur coton été. Fait que là, ils sont comme, hey, c'est fini l'été, mais pour vrai, non. Genre, parce que le monde a épuisé leur garde-robe de summer, puis ils sont pressés de mettre des petits chandails. Comme, let us have it. Là, genre, I'm a summer babe. Là. Ben, en tout cas. Chris, on a quoi? On a 6 semaines d'été au Québec. Là, on peut-tu? Hey, nous autres, on a du contenu pour on notre premier épisode. On a du contenu pour notre premier épisode. Ça part en feu. On revient en force. C'est drôle parce que là, j'ai juste une feuille blanche en avant de moi qui est écrit « Succès ». Yes, parce que c'est le thème de notre épisode. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Oh my God, t'es con. Ah, c'est ça le sujet de notre épisode aujourd'hui. On parle de succès. Le succès à qui le succès? À nous le succès? Pour notre premier épisode et notre grand comeback au micro, le succès nous monte à la tête. Oui. Fait qu'on vous raconte comment qu'on est rendu big shot depuis qu'on est... Faites toute l'intro complet, je ne l'ai pas dans c'est les ça, yeux. C'est ça, je me suis dit, j'ai bien compris qu'on n'allait pas alterner cette fois-ci, puis que... Hein. Fait qu'on vous raconte comment qu'on est rendu big shot depuis qu'on est produit par Papa Pivot. On parle des échelles de succès possibles et imaginables pour les minorités sexuelles et de genre. Excuse-moi, tu l'avais appris par cœur? Wow! Non, je l'ai dans le faire, je l'ai pris pendant que tu parlais. Hein, tu l'avais pas fait, ça aurait été drôle de faire quoi, mais... Voilà, j'ai pas autant de dédication que ça pour ce podcast-là. Ça te gâle. Un petit sideline, Saison 4, ça veut-tu dire sans épisode? Non, pas de suite. Et on détermine si succès... Si, hein? On peut-tu être successful et critique à la fois? Tout croche, mais... épisode 1, la gang, on va get... c'est ça. Oui. On va... On a l'âge de notre podcast, OK? Ouais. Voilà, c'est ça notre grand-mère. On a, ouais, c'est on ça. On a 4 ans. Il fallait que tu calcules. Non, mais moi, j'étais comme, OK, qu'est-ce que ça implique si on a l'âge de notre... On a 4 ans, ouais. Oui. Okay. Hey, mais quatrième saison. Quatre? Ouais. Quatrième saison. Fait que là-dessus, nous autres, on s'en va au Starbucks du village, encore, sont assez curés de nous voir, ouais. Eux autres, puis on s'en va leur dire, ben, donnez-nous notre café gratis pour service rendu. À la communauté. À la communauté. Je veux dire, on le mérite. On le mérite. Fait que, c'est ça. On vous revient, overcaféiné. Ciao par la gang. Bye. Oh my God, big comme on est, on a eu un slow clap de tout le staff du Starbucks, un standing ovulation, oui, qu'on appelle. Oui, qui n'a aucun rapport avec le fait qu'il n'y a aucun banc ni chaise en arrière du comptoir. Non, non, c'était vraiment juste, il y avait une petite larme, oui, à l'œil, ils nous ont remis notre café, oui, en main propre, puis tu sais... ils t'ont remis notre café en main propre, normalement, ils te le collent dans la face. C'est ça, puis là, ils nous l'ont donné, genre, tu sais, de main à main, là, puis tu sais, j'ai senti... Ils l'ont pas juste posé sur le comptoir, là, t'sais, en disant, c'est tiens, ils nous l'ont remis. Non, mais ils nous ont donné notre pumpkin spice latte en or, ouais, pour service rendu. It felt correct. Pour la communauté. It felt correct. It felt correct. Oui. Oui. Ben, on est revenu. On est revenu. On est overcaféiné. That's it. Voilà. Et première overcaféinée de la saison. Ah. Puis en plus, t'sais, là, enfin, là, on a été repêchés dans une ligue majeure. Hey! Là. Quelqu'un nous produit. Il y a quelqu'un derrière ça. Regardez pas juste toi et puis moi. Puis toi qui gosse ça. On est seul, mais on n'est pas tout seul. On est seul, mais on n'est pas tout seul. On est seul, mais on n'est pas tout seul. Parce que là. Linda, the call is coming from the house. On a quitté le nid maternel de Maman Choc et on a été recruté par le média de gauche, Pivot, ouais. Média. Yes. Papa Pivot. Papa Pivot. Pour les intimes. Oui. Pas par un non-binaire pivot. Là, on a vraiment décidé d'y aller pour la binarité. Non. C'est moi les non-binaires, c'est ça. C'est ça. On a décidé que c'était papa pivot. Oui, les noms de genre. C'est tellement notre brand. That's it. Puis quoi? On est payé. Vous écoutez les salariés, là. Là, mais on est payé, là, puis un salaire de fonctionnaire, là. On est gros dur. On a une retraite. Une retraite. Là, c'est la seule chose qu'ils souhaitent qu'on ait une retraite. Ils veulent tellement qu'on décolle. Oui, c'est ça. Moi, pour vrai, Visa me harcèle. Ils sont comme, ah ouais, Yassi, on te donne la marge que tu veux. Comme, tu sais, pour vrai, je suis comme, faut que je leur dise, je suis pas médecin, là, la gang. Là, c'est juste pivot, là. Il était temps, ça fait 3 ans que le monde pense qu'on vit de ça. Mais c'est toujours faux. On vit pas de ça, non, mais on est payé. Pour vrai, si on splitait notre cachet sur toutes les heures qu'on met là-dessus, comme le seuil de la pauvreté aurait l'air d'un luxe. Oui, c'est une chance qu'on vit. On a des jobs de jour, on vous le dit, la gang. Oui. Ceci étant dit. Ça, c'est un beau segue pour plugger des affaires. Oh! Tu voulais-tu plugger des affaires? Ben, je sais pas, j'avais-tu... On a-tu d'autres sources de revenus dans la vie? Les patrimoines. Ah! Mais c'est ça l'affaire. Hey! C'est ça l'affaire. Gros, le quiz. Moi, j'étais quand je veux pas parler de ma De quoi t'en parles? Si j'ai des collègues qui... C'est ça l'affaire. C'est qu'on a un salaire assez minime juste pour dire qu'on... Média de gauche. Média de gauche, là, c'est ça. C'est, on n'est plus DIY, mais on est, c'est quelqu'un d'autre c'est qui ça. Gère la partie DIY. C'est bring your own DIY. BYO DIY. Mais là, ça fait que le patrimoine, dans le fond, c'est pas utilisé juste à des fins de maintenir le podcast en vie, puis se fournir le minimum de matériel. Là, maintenant, ça s'en va dans nos poches. Dans nos poches. Non, mais vous nous soutenez directement. Là, c'est une bonne chose, puis c'est correct, parce que je veux dire, il y a du travail. Après trois saisons dans le rouge. Je me sens pas mal, là. Genre, ça va, là, tu sais. Fait que... Monnaie, on a de la recherche? On n'avait pas vraiment besoin parce qu'on connaît l'exactitude, la précision, la justesse de mes faits. T'as-tu déjà parlé à travers ton chapeau, toi, jamais. Sur le pod? Jamais. Parce que moi, je de veux chapeau, juste... je n'en ai point. Ouais, moi, je veux juste mettre ça au clair que tout ce que j'ai dit sur ce podcast-là, I stand by it et c'est la vérité pure et infuse. C'était quoi? Je veux que personne ne fasse un supercut de genre toute la merde qu'on a dit des fois juste en passant à haute voix, genre. À chaque fois que tu mentionnes la merde qu'on a dit, la seule quote qui me revient en tête, c'est « Power bottom who gives good D ». C'est comme ça que tu t'es décrit sur le show à un moment donné, puis je sais pas pourquoi. I mean... C'est ton non-scout. Ben moi, pour vrai... C'est ton non-scout. Come for me in the DMs if you think it's not true. If I gave you bad dick, if I gave you bad dick in the past... J'espère que c'est moi qui gère les DM, that's ça va pas en faire. That's it. Je vais pas gérer ça. That's it. Ça va à flot, là, tout le monde qui est comme non, actually. Non. Bonjour, papa. Hein? Ooh. Oh, hey, le micro t'a quitté, tu vois. Le micro m'a quitté, puis il était comme girl. C'est ça que tu fais, là. Je suis confiant. Bonjour, papa Pivot. Au revoir, maman Choc. tu sais ça, on a délaissé sa mamelle qui nous a allaité pendant 3 ans. Pendant 3 Merci, ans, quand même. Merci, Maman Choc. Merci, Maman Choc, pour tes nutriments. Pour tous les nutriments. Écoute, un studio, ouais. Du temps, des combien de emails stressés je leur ai envoyés, je sais pas, je les ai inondés. Ouais. Merci pour la tech, merci pour tout. C'est ça. Et ça nous a permis d'être là où est-ce qu'on est rendu. Et là, où est-ce qu'on est rendu? Là, on est dans les bureaux de Pivot à la Halte. Oui. Et on se pose la question, on parle en fait de succès. Oui. On parle de succès et il y a 2 questions en fait. Est-ce que on est rendu avec des privilèges? Est-ce qu'on est rendu des vedettes? Est-ce qu'on a ça qui vient avec le succès? Ou la deuxième question, c'est est-ce qu'on est vraiment successful? Moi, je pense que si la fureur jouait encore, on serait rendu invité. Ah ouais? On est à ce niveau de fin. On va le savoir à Big Brother saison 3. On va le savoir, tabarnak. C'est là qu'on va le savoir. On va le savoir. Est-ce qu'on va être contacté? Mais non, mais tu sais, je pense que c'est difficile. Tu sais, comme c'est quoi... OK. On vit dans un monde où le fame est fragmenté. C'est-à-dire qu'on n'est même pas des influenceurs, on n'est même pas si connus que ça. C'est-à-dire que, tu sais, on se cache derrière un micro, puis je veux dire, il y a des gens qui nous écoutent parce qu'on a dû faire quelque chose de comme du monde. Puis on a bien de l'attitude. Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr que quand on parle de notre actual side podcast où on fait juste couvrir Drag Race Canada, là, on se carry comme des hosties de célébrités dans le village, puis tassez-vous de là, tu sais. On va y revenir. Mais c'est ça, tu sais, je pense que pour arriver à se bâtir une audience, ce qui n'est pas facile quand tu gères tes trucs toi-même, je pense qu'on a fait quelque chose de comme du monde. Oui. Mais en termes de définir le succès, étant donné qu'on ne vit plus dans les années 90, début 2000, où tu as une culture commune, genre de médias qui est très forte du fait de... Beaucoup plus centralisée. Tu sais, là, maintenant, ben, je veux dire, même les gens qui produisent pas nécessairement de contenu destiné à genre contribuer à la culture font juste poster des stories puis existent dans l'imaginaire des autres. Tu sais, fait que il y a aussi le truc de comme de fame est absolument fragmenté puis genre on susurre à l'oreille de beaucoup de monde chaque semaine. Fait que ça, c'est la différence quand même. OK, tout le monde, ça dans la tête de Charlie, c'est susurré. Ah, moi, je peux aller plus fort. J'aurais encore plus fort que ça. Là, guys, on a compris. On a une nouvelle clé du puzzle. On comprend des affaires aujourd'hui à 2 FIF. Est-ce que... je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, comme... Surtout dans les dernières semaines, derniers mois, notre fame, nos privilèges, les petits cadeaux, les ci, les ça, c'était beaucoup crash-tonté. Ouais. T'as beaucoup crash ton thé. Mais. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que le monde de la drague s'y prête, tu sais. C'est-à-dire que c'est plus showbiz, tu sais. Parce qu'il y a des shows, parce qu'il y a des événements, parce que tu vois du monde, c'est glitzy, c'est glam. Puis le truc, c'est que toi et puis moi, on arrive dans un show au Mado en se prenant pour des célébrités On s'assoit en avant du bar, vous irez commander ailleurs mes calices. Oui, c'est ça! Non, moi je sais, peu importe où est-ce que je me promène, mais c'est ça l'affaire. Ouais. Tu sais, comme parce qu'on parle aussi de est-ce qu'on est successful, puis est-ce qu'on a des privilèges. Oh non, je veux faire une parenthèse parce qu'on a parlé de crash tonté, c'est tellement drôle. J'ai remarqué ça cette semaine, OK? C'est vraiment weird. Notre main podcast qui justement nous apporte du succès, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est genre de vivre le matin où on est des... queer, révolutionnaire, anarchiste, vraiment radicaux, puis notre drogue, c'est le café. Ouais. Puis notre side podcast, c'est Drag Race. Oui. Puis notre drogue, c'est la quête. Ouais, on parle d'affaires gay la plus mainstream ever, genre. Puis c'est genre notre side show. Ouais. Puis on est chaotique, la gang. C'est quoi notre... Oh my God. Juste comme, si vous pensez qu'on est chaotique sur 2 FIF le matin, et crash ton thé, c'est genre unhinged. Voilà. That's it. L'univers des drags, c'est une chose. Ouais. Oui, on a été. On chill avec des personnes qui ont été sur Canada Drag Race. C'est comme bizarre, surtout pour des gens comme toi et moi qui avons écouté Drag Race à distance toute notre crise. Ouais. C'est rendu ici. Puis que, oui, c'est sûr que c'est toutes des filles du Canada. Là. On n'a pas chillé avec RuPaul encore, mais ça s'en vient. On travaille là-dessus. Je vais parler du fracking. Puis. Il y a une autre unité de mesure que je pense qu'on peut faire entrer en ligne de compte, c'est, tu sais, on se promène pas dans les gens connaissent pas notre nom automatiquement nécessairement, genre. On est pas, on se fait pas reconnaître dans la rue. Mais non, mais j'assume pas que les gens savent je suis qui. Non, mais absolument pas. Je suis pas rendu là. Mon Dieu, là. Crissement pas. Non, on est quand même des podcasteurs, genre, là, ça va. Il y a du monde qui savent. Eh bien, moi, c'est years away, là. Non, mais il y a du monde qui savent on est qui, mais qui nous ont jamais vu aussi, là. Tu sais, moi, des fois, ça m'est arrivé d'être genre dans des places où les gens disaient comme, ah, ta voix me dit quelque chose. Oui, j'ai un podcast, t'as peut-être écouté. Non, non. D'après moi, saison 5, saison 6, là, moi, me promener partout. Chaque fois que quelqu'un va me refuser quelque chose, je vais être comme, tu sais, je suis qui, moi, de tabarnak? Yes, Roxane Bruno. Je suis quelqu'un, moi, Chris. Ah oui, ben oui. Ah. Allez revoir mon meme, tout le monde. Oui, excellent. Sur deux fifs le matin, le chiffre 2. Oh, je vous dirai ça à la fin. Bon, si vous le savez. Sauf les gens qui nous ont joints à la saison 4. Paria, traître, Judas. On vous fermez ça là maintenant. Vous deviez être là. Allez, rattraper. Le case load est fermé. Non, mais effectivement, moi, je après... Moment de silence pour mieux monter. Je pensais qu'il y avait des trucs décrits, mais je me suis... OK. Mais oui, je pense que quand même, comme je le disais encore plus tôt, tu sais, pour arriver à se construire une audience comme Podcast DIY, qui est quand même sur un sujet niché, puis où je pense qu'à terme, tu sais, on niaise là, quand on dit genre le monde ne nous reconnaît pas dans la rue, mais tu sais, on n'a pas comme un... L'objet de notre podcast n'est jamais quelque chose qui va devenir si mainstream que ça parce qu'on se veut un podcast communautaire aussi. T'sais. C'est-à-dire que les gens qui font pas partie de la communauté qui nous écoutent se mettent en posture d'écoute parce qu'ils s'intéressent aux enjeux de notre communauté, mais moi, je pense pas. Puis je pense que c'est pas souhaitable non plus que tout le monde nous écoute. Pas pour ma réputation et le respect de ma vie privée. Moi, j'ai pas besoin, là. J'ai pas besoin. Mais tu sais, on dit ça, mais l'autre jour, au surprise, j'étais au Starbucks du village. Girl. Puis, genre, je fais ma commande, je demande à la personne mon petit café qui est effectivement un pumpkin spice latte avec de la crème fouettée sur le top. Puis, elle me demande pas mon nom, la personne me demande pas mon nom. Puis là, je suis comme, ben là, ce qui se passe, je suis un peu creeped out. On s'est-tu parlé sur les réseaux sociaux, y a-tu quelque chose? Puis là, je suis comme, mon nom c'est Jess, fait comme, oui, je sais. Là, je suis comme, OK. J'étais vraiment comme, OK. C'était comme le podcast, j'étais comme, hein? Comme si je me rappelais pas. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, étant donné que, tu sais, ce qu'on a, notre bébé, qu'on l'a fait, tu sais, comme on a construit ça nous-mêmes, c'est sweet quand les gens nous reconnaissent parce qu'on sait que, genre, ils nous ont écoutés puis qu'ils trouvent ça le fun, tu sais, c'est-à-dire que. Tu sais, je sais pas, moi, les gens qui sont famous au point d'être connus par plein de gens, mais qui sélectionnent pas nécessairement leur contenu, tu sais. Je veux dire, moi, je reconnais le Penelope McQuaid, mais genre, j'écoute rien à ce café, là, tu sais. Fait que je sais que, tu sais, elle sait que tout le monde sait que c'est Penelope McQuaid, mais elle sait aussi que les gens ont toute une opinion qui varie et diffère sur elle, tu sais. Tandis que nous autres, on peut présupposer que si les gens continuent de nous écouter, c'est parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait, fait que c'est tout le temps sweet, tu sais. Parce que c'est précis, tu sais. On n'a pas de. Ben, en tout cas, on en a probablement, mais je pense qu'on est vraiment trop épeurante, mais on n'a pas vraiment de haters. So far. Ouais, mais c'est parce que pourquoi tu continuerais de nous écouter si tu nous haïs? C'est vraiment un choix, c'est un podcast, là. Non, mais tu sais, il y a jamais. Tu sais, le monde nous drague pas, on reçoit pas des messages de haine, là, on n'a pas des commentaires de merde sur nos. La droite nous a toujours pas découvert après 4 saisons. Non, mais c'est weird. Genre. Ils font de mauvaises jobs. Mais pour vrai, là, tabarnak, même nous autres, on fait mieux nos recherches qu'eux autres, là. Là, tu sais, on se pose. Tu sais, bon, OK, Crash Tonté nous a amené un peu la vie de Jet Set, ça, je suis d'accord, mais. Mais regarde, nous autres, on brûle du gaz comme Taylor Swift, c'est ah ouais. J'ai oublié ma peine de lait sans l'hélicoptère. Ah ouais! Mais notre visibilité, c'est deux fifs. On a eu de la pub de Spotify Canada pendant Fierté l'année passée ou l'autre d'avant. J'ai l'impression que ça fait 200 ans. On a fait la une de fucking Journal Métro un samedi. Ah! Come on, girl! Les hosties de photos à mon ancien job. Après ça, je suis allé vider des lave-vaisselles, passer des mops sur des comptoirs. La gloire. L'enfer. On a eu des cadeaux, on a eu des gros avantages. Là, cette année, à Pride, on a eu des cadeaux certains. Ben, on a Apéro Zéro qui nous a envoyé du stock sans alcool. Ah non, mais c'est ça, là, tabarnak. Tu voulais savoir comment Charlie care about me? Cette semaine, j'ai fait une story dans laquelle je suis dans la vidéo et je parle, puis Charlie a jamais mis le volume pour écouter la calliste de story. Là, moi, des fois, je trouve ça trop stimulant, ces stories, puis pour vrai, c'est ça. Cadeau qu'on a reçu. Ouais. on a passé la Pride à l'espace VIQ quand même. Ça, c'est le fun. Tu sais, comme quand on dit successful but in the queer world. Ouais. Dans le milieu qui nous appartient. Puis Pride, ils font bien ça aussi. Dans le milieu duquel on participe et hein, bon, voilà. Pride, ils font bien ça quand même parce que le VIQ, c'était fancy, c'était le fun. Mais ils redonnent beaucoup à du monde qui contribue à la communauté. Puis ils sont vraiment tous les coins. Ouais, puis tu sais, qui s'impliquent dans des organismes cool et tout. Tu sais, ça, c'était le fun. Puis il y avait aussi la soirée Drag Superstar où tout le monde, il y avait un ami qui travaillait à The Bank. Était rendu là. Fait que là, c'était le fun parce que moi, je pouvais demander comme, ah, c'est cool, tu l'as eu, comment t'as passé, toi? Puis ils sont comme, ah, ben, tu sais, j'ai un ami qui travaille à la banque. Moi, je suis comme, ah, c'est cool, moi, je contribue à la culture. Mais... c'est vrai. Oh my God. Mais non, mais tu sais, genre, c'est correct. On va là, pas se prendre une canne de 7-Up parce qu'on fait quand même quelque chose. Mais tu sais, tu vois, justement, tu brings ça. Puis Moi, ça m'a comme éveillé les affaires là, dans la zone VIQ. Affaire numéro un, les tabarnaks qui laissent pas de tip parce que c'est gratis. Parce que là, c'est ça, la zone VIQ, ça vient avec des drinks. Contrairement à travailler à Pride. Oui, non, c'est ça. Nous autres, on avait des drinks, mais des employés, non. Ah, je m'excuse, je vous rends saut. Je tape avec mon crayon sur la table à tous les deux secondes. Ah ouais. Sorry tout le monde, je vais le refaire. Puis là, tu sais, bon, si vous laissez pas de tip, l'année prochaine, revenez juste pas, OK? Ça, c'est non. Là, je comprends que tes drinks sont gratis, mais le monde travaille en arrière, tabarnak. Travaille en arrière. Écoutez jusqu'à la fin de l'épisode. Une fois la conclusion passée, on nomme les noms. Oui, saison, épisode 2, c'est, c'est ça. On nomme les noms. Tu sais, c'était quand même un edge sur une situation. Tu sais, la fierté, c'est quand même un gros événement. Là. C'était non, quand aussi, même insane d'être mais... à deux pouces de toutes les dragues. Ouais. Que ce soit Majestix ou genre Drag Superstar, on était le menton sur le stage, tout le monde. C'était insane. Puis la réflexion que ça m'a amené, c'est qu'est-ce que je fais de mériter ça, moi, dans la vie? Je fais rien que de parler dans un micro. Tu sais, là. On est quand même des millennials, fait que c'est sûr qu'on va toujours vivre avec un espèce de complexe d'imposteur. Absolument. De comme, mon Dieu, je ne suis rien, je suis qu'une cage de chair qui se conduit dans ce monde avec une conscience à peine développée. Surtout, tu sais, là, on a la chance d'être produit par quelqu'un, Papa Pivot, qui est avec nous. On a un petit peu de sous qui viennent avec ça. Mais moi, je pense que c'est le moment de crumble sous la pression puis de juste tout arrêter. Juste être comme, mais on le mérite pas, en fait. Ça fait 4 saisons, je me demande quand est-ce que c'est moi qui va faire ça. Genre, ça arrive pas. Juste I just love it too much. That's it. Puis comme, cette réflexion-là s'est enclenchée, puis après ça, j'étais comme, ouais, mais je perds mon anonymat aussi. T'sais, oui, je fais rien que parler dans un micro, ça demande pas un effort extraordinaire. Mais, tu sais, je viens d'appliquer sur un job, là, je le disais, là, je suis tombé réceptionniste. N'importe qui me Google, c'est 3 secondes. Tu sais ce que je fais, tu sais d'où je viens, tu sais c'est quoi mes opinions. J'étais un esti snowflake, je suis queer as fuck. Je me prononce, j'ai une voix dans les médias, genre, entre guillemets, là, on s'entend. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose là-dedans. D'ailleurs, tu sais, si je suis une job en ce moment, c'est parce que la personne qui m'a engagé écoutait déjà le podcast. Mais c'est ça le truc, c'est ça. Personne courageuse. Il y a des ups aussi, tu sais. Moi aussi, avant d'être embauché à mon travail, ils m'avaient googlé, ils ont trouvé mon podcast. Ils ont fait comme, ok, cool. Ouais, tu travailles comme l'auteur, je travaille dans le capitalisme normatif. Bon, effectivement, c'est pas si vrai, mais c'est ça. Mais effectivement, tu sais, puis moi, ça a bien fonctionné pour moi aussi, tu sais. Mais c'est sûr qu'effectivement, c'est communautaire, c'est le milieu du VIH. Fait que, tu sais, que je sois comme une outrageous faggot, il était pas comme, oh mon Dieu, tu sais. Oui. Moi, je te dirais que là où ma perte d'anonymat me coûte plus cher en sacrifice, c'est que, tu sais, de surjouer. Non, mais de surjouer justement ce personnage-là de comme messy slut, genre, pis de. Party rape, fuckboy, whatever, que c'est drôle. Parce que moi, je pense que. C'est intéressant d'avoir comme des figures qui parlent de genre sexualité de manière décomplexée, puis ça me dérange pas d'être ça, mais ça vient avec un coup qui est les gens assument des choses. Oui. Puis les gens comme aussi comme ce que je suis en train de dire là, c'est que literally je sacrifie ma dating life à Montréal parce que tout le monde a l'impression de comme savoir qu'ils peuvent savoir à quoi s'attendre avec moi. Puis c'est vraiment weird quand c'est correct, tu construis pas ton whole brand sur le fait que t'es désagréable puis que tu veux pas parler à personne. Le monde a peur de moi, câlisse. Ok, bon, fait que tu vois, mais t'sais, ils viennent pas me frencher quand j'arrive dans le party. On arrive à la petite party de Lady Gaga en genre une heure, il y a 3 personnes. Pas de questions, rien, qui viennent juste frencher Charlie. Je suis comme, c'est pas facile, c'est cette vie-là. Non, mais, ok, bon. Bon, fait que là, mettons, la Une Journal Métro, la publicité Spotify, je sais pas, est-ce qu'on a eu d'autres grands faits? J'aime ça résumer. C'est bon pour mon ego. Ok, ah non, ça fait aussi 3 ans qu'on est podcast numéro 1 à Montréal. Là. Puis là, pour le cadeau, pour notre épisode sur le succès. Ben oui, non, mais c'est ça. On vous annonce qu'on est numéro 2 à Montréal. Allez, pas voir qu'on est trop big shot. Est-ce on a, c'est ça. Tout alors, félicitations à Référence Podcast, à vos 189 followers, puis aux 3 épisodes que vous avez sortis entre janvier et juin. Mais genre, ils appellent Référence Podcast. Google Référence Podcast, c'est sûr qu'ils vont pas sortir. C'est bien trop générique. Eux autres sont pas faciles à googler. T'es trouveras pas. C'est ça. Je veux dire, on a beau pas être facile à googler à cause qu'on met un 2 puis un X à la place du. Je veux dire, sacrement. Je suis pas amère du tout. Mais pour vrai, c'est vraiment correct qu'ils le méritent. Puis genre, moi, dans 3 épisodes, au moment où ils ont sorti, au moment qu'ils sont élus podcast numéro 1, ça devait être vraiment bon. En plus, ça veut dire qu'on s'est fait planter par un podcast anglo, un pays. La séparation. On va le faire, le pays. Mais pour vrai, ils ont juste compris comment train des bots pour. Fait qu'on va juste comme train on va faire la même chose l'année prochaine. That's it. On va traîner plus de bots. That's it. Oui. Nous autres, on va aider. Oui. Ouais. On peut même traîner des tops, on peut traîner toutes. On a bien plus de monde sur notre bord. Des verse, des sideways. That's it. C'est pour ça que moi, je tourne ma page comme si elle allait avoir quelque chose de l'autre bord. Est-ce de réflexe, hein? Regarde, des notes concises, on aime ça, est-ce fait que, maintenant qu'on est à la halte, on s'est procuré du tapis rouge à faire dérouler entre notre salle d'enregistrement puis la cafetière juste l'autre bord du couloir. Oui. Partout où j'arrive, moi, je me déroule un tapis rouge à cette heure. Fait qu'on a mis nos robes de gala pour se rendre à se faire un café, puis on vous revient, on veut caféiner. Absolument. Un tapis rouge, c'est toujours demandant, mais même sous les flashs incessants des paparazzis et des journalistes, les questions indiscrètes, écoutez, à potin, tout le monde veut tout savoir. Ben on a réussi à se rendre pareil. À nager dans les Kodak. C'est pas ce tonneau déjà? Paparazzi. Oh my god, okay. The remix of The Century. The Century, qu'est-ce qu'on n'arrête pas d'être successful. Puis les possibilités de succès, quand on est issu d'une minorité sexuelle ou de genre, sont réduites pour le moins différentes comparées à ceux et celles qui ne le sont pas. On est souvent sous-estimé ou on juge que notre contenu n'est pas assez, quote-unquote, accessible à tous et toutes. Oui. Qu'est-ce qui est plus souhaitable selon toi? Être très big dans une communauté marginalisée ou être semi-connu du grand public en général? Oh my god, c'est un gros would you rather, ok? Ouais. B, non, je sais pas. C'est un peu bizarre parce que moi, en ce moment, j'apprécie vraiment où est-ce qu'on est. Comme podcast, comme personne. Ouais. Mais si d'un point de vue général, genre, mettons qu'il faudrait que je donne une tech, pas morale, là, mais c'est qu'est-ce qui est mieux, genre, ça dépend vraiment, tu sais. Puis on va en parler plus tard, mais tu sais, il y a comme un coût-bénéfice avec les deux. Tu sais, moi, je sais que je ne veux pas être mainstream personnellement parce que je veux dire absolument tout ce que je veux. Ouais. Tout ce que je veux. Ouais. Papa Pivot nous a dit, vous dites tout ce que vous voulez, sauf les menaces de mort. À date, on a menacé personne de mort. So far, so good. Hey, à date, on est full bonne. J'ai-tu le goût de tuer? Absolument, mais... Soif de sang, mais ça va. Ça va. C'est correct. Pour vrai, la guillotine est montée. Oh, vous dites juste pas que... En plus, c'est vintage. Tout le monde est vintage. On est dans un 90s revival. Ça pourrait être 1790. On est armé jusqu'aux dents. On vous dit juste pas qui c'est qui passe au bat. Non. Mais on a des idées. On fait a des idées. Fait que, tu sais, c'est compliqué. C'est-tu mieux d'être un peu connu dans le grand public à la personne queer, on va dire, ou être... Moi, j'ai plus de fun à être connu dans ma communauté parce que ça me tente pas de parler avec du monde qui comprenne la moitié de ce que je dis. Ouais. Tu sais, du monde qui nous écoute juste du coin de l'oreille parce qu'on fait pas de vidéo. C'est pas du coin de l'œil. Mm-hmm. C'est drôle. Tout le monde rit. Je vais coller vos rires. Mettez des rires en canne. On a de la production. Ah, oh, yes, on devient Radio Enfer. Oui! Radio Enfif. Puis, c'est même pas bon. C'est même pas bon. Mais j'ai trouvé ça bon pareil. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup plus de fun parce que j'ai pas l'impression d'être une personne célèbre que les gens admirent. J'ai l'impression d'être une personne dans une communauté qui jase avec sa gang. Ouais. Ça, pour moi, comme personne, c'est plus fun. Après ça, qu'est-ce qui est le plus utile dans une société? Diversité des tactiques. T'sais, je veux pas juste flusher le débat en disant diversité des tactiques, mais j'ai cette tendance-là, grande bipolaire, à aimer un peu les deux. Puis, des fois, je pense à certains artistes. Tu sais, mettons, là, on chiale tout le temps, mettons, on dit telle personne, on voudrait que ça soit plus politique. Là, maintenant, on parlait de Darbadon, on parle de plein de monde. Genre. Des fois, qu'il y a des mondes qui sont un petit peu moins intenses que nous, ça fait une première job. Ouais. Ça élague un peu. Tu sais, Rita Baga n'est pas en train de se promener partout en disant brûler des chars de police, mais elle explique des petites affaires. Ici, puis là. Oui. Puis, des fois, c'est le fun parce que comme ça, ben, c'est pas nous autres à faire de la crise de job pour pas faire un podcast révolutionnaire, puis ça pogne quand même. Mm-hmm. Ça aide, tu sais. J'appelle ça l'effet bouclier. Oui. Mais non, c'est sûr, c'est nice. C'est sûr que. Mais le truc, c'est que, tu sais, nous autres, quand les gens nous reconnaissent, ça nous fait un velours parce qu'on sait que vous êtes quelques milliers, ce qui est beaucoup. Mais c'est quand même pas. On n'est pas des household names. Même dans la communauté gay, on n'est pas connus de la communauté au grand complet. Mais non, c'est ça. C'est-à-dire que Rita, c'est assez différent au Québec parce que Rita est connue de tout le monde quand même. Mais ça, on n'est pas non plus name. Rita avant Drag Race. Non, mais c'est ça. Mais mettons, je sais pas, genre. Une queen aux États-Unis, genre Trixie, qui est connue d'absolument toute personne homosexuelle, c'est qui Trixie Mattel. Puis là, si vous êtes homosexuel et que vous ne savez pas. On est vraiment désolé. Vous êtes plus homosexuel. Ou queer, là, on a dit homosexuel, mais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Absolument toutes les queers connaissent Trixie Mattel, mais genre, elle peut se promener à LA et genre, pas être reconnue de la plupart des hétéros, mais elle peut absolument pas aller dans un club gay juste chiller, tu sais. C'est bien ça le pire. Ça, c'est weird comme. C'est bien ça le pire parce que même Trixie Mattel. même si les chiffres sont différents, est dans un paradigme similaire au nôtre. Les chiffres diffèrent un peu, là, mais genre, à peine. Genre quelques milliers de followers à peine, mais c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça. Bravo, Trixie. Mais non, mais tu sais, moi. Je veux être Trixie Mattel. Je veux-tu être Trixie Mattel? Non, je veux pas être Trixie Mattel. Non. Je viens de dire. C'est ça l'affaire. C'est, des fois, c'est là où je me pose la question. Comment je pourrais faire pour rester dans la ligne queer en étant Trixie Mattel, mettons, si je voulais développer une carrière, on va dire. Genre là, peut-être j'aimerais ça parce que ça reste niché. T'as 2 millions de followers sur Instagram, mais t'es quand même okay, mais a woo girl. Mais est-ce que tu penses que comme genre personne queer qui fait des projets et des choses dans le monde, on peut atteindre le niveau de fame universelle des plus grandes célébrités, genre toutes disciplines confondues, sans compromettre ta queerness, genre? Sans compromettre ta queerness, non. C'est pas possible. Non? Absolument impossible. OK. C'est... Tu sais, je veux dire, pour nous, mettons, qui sommes quand même très indépendants, bon, fine, on a toujours eu Choc ou Pivot, mais ils nous ont toujours laissé faire absolument tout ce qu'on veut. Ouais. C'est un peu facile, tu sais, on plante du monde, on call out des noms, pas de problème, on gère tout seul, on n'a rien à perdre, on a toute une belle job stable, ça va bien. Ouais. Quelqu'un qui souhaite, mettons, devenir drag queen à temps plein, c'est bien plate, mais il va falloir que tu fermes les yeux sur quelque chose, je suis pas mal sûr. Il va falloir que tu fermes ta gueule sur un sujet, je suis pas mal sûr. Je pense pas que mais, c'est... OK, mais c'est ça. Mais là, on parle de, comme, de radicalité ouais. Sur le plan politique. Mais tu sais, ta queerness, je pense que... Ah! Okay, peux, bah, c'est ça. Je pense que tu peux quand même... Ton expression de genre étant... Oui, c'est ça. Ou même... Tu sais, je pense que... Je dirais oui si t'es straight. David Bowie, pas de problème. Sylvester, pas de problème. Sylvester, ouais. Je me rappelle plus trop si c'était straight ou pas. Mais tu sais, genre... Vous les d'IDM. Harry Styles, Jay Dutemps. Les ambigus, ça, c'est correct. Ah, absolument. Les ambigus, absolument. Ça a l'air que c'est bien en mode. Absolument. Nous, est-ce qu'on peut le faire? Ben, c'est toujours la même aussi question. Est-ce que nous, pourquoi nous, ça nous coûte quelque chose d'être fucking queer, d'avoir les ouais. Cheveux de couleur et du non, maquillage? Non, puis aussi, tu sais, toutes les... OK, je comprends. Oui. C'est là, ça, puis toutes oui. Les personnes queer qui ont atteint les niveaux de fame les plus hauts ont jamais commencé leur carrière déjà out aussi, tu sais. Vous me corrigerez s'il y a quelqu'un... Il doit y avoir des rares exemples, mais tu sais, genre Adam Lambert, mettons. Là. Oui, mais Adam Lambert, c'est pas une A-list celebrity, là. Non, c'est vrai. Genre, moi, je te parle niveau, et genre... Mon Dieu, dans l'alphabet, on est où, nous autres, à Y, genre? T'sais... Z des temps, personne s'était écrit. Oui, c'est ça. Z des temps, genre, le step de l'autre. Jojo Savard sur Instagram, c'est ça. Ouais. Ah, yes! Mais c'est ça, tu sais... on s'entend que genre George Michael, Freddie Mercury, tu sais, leur queerness était genre cachée, a été genre révélée sans leur consentement pour genre George Michael, Ellen DeGeneres quand elle a fait son coming out, a eu du gros backlash. Puis ça, c'est des A-listers qui ont comme marqué la culture et qui sont des household names universels. Tu sais, moi, je me dis, quand est-ce qu'une personne queer va comme tu sais, puis là, dans un monde où genre on n'a plus non plus les toutes les mêmes référents tout le monde. Fait que oui, ça laisse plus de place à créer de la culture queer, mais ça fait aussi que ben il y a moins la possibilité de A-listers est aussi vraiment plus dépendante de comme... Surtout que quand il y a un A-listers qui est vraiment queer puis qui fait pas de sacrifice, le spot est pris. C'est fini. Il y en a un, deux, trois, quatre, mettons, là. Aux États-Unis, il doit en avoir sept. Mais c'est fini. Après ça, le spot est rempli. Puis tu sais, quand on dit queer, c'est gay male, gay female. C'est bien, ça va plus loin que ça. Mm-hmm. A-list, là, c'est vraiment rare. Mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, à force qu'il y en ait de plus en plus, c'est là, on est comme dans une espèce de moment de changement où il y a du monde qui peuvent commencer des carrières comme openly queer. Mais en même temps, tu sais, c'est de se maintenir, puis c'est qui aussi arrive à en vivre, puis à comme pas être considéré une niche, tu sais. Ouais. Vraiment? J'ai des doutes là-dessus, mais je sais pas. Ça se fait. Répète-moi ça. Mais j'ai tellement compris, mais... Non, mais tu sais, mettons, je sais pas, genre, tu sais, dans toute... mettons, on va changer de la chanson, alors l'humour, tu sais. Ouais. OK, en humour, tu peux commencer une carrière en humour en étant out as oui. queer, okay, mais est-ce que, tu sais, mettons, là, je sais pas, là, les A-listers au Québec en ce moment, là, tu sais, genre ceux qui sont les plus en demande, là, genre, tu sais, Kat Levac, elle a fait son coming out un moment donné, tu sais. Après. C'est ça, après, mais c'est ça, mais est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui, tandis que, genre, Jay Dutemps est ambigu, mais genre... Ouais, c'est ça. OK, ouais. Fait que, est-ce que quelqu'un qui commence queer pourrait se rendre jusque-là, tu sais? Difficile, parce que de toute façon, Parce que, je veux dire, mais moi, je veux voir ça. Moi, je veux voir ça. Pour parce que là, maintenant, on a Kat Levac. Puis, genre, Kat Levac, elle parle full, genre, de sa blonde, du bébé qu'ils vont avoir, de tout. Tu sais, elle se brime vraiment pas. Elle est pas dans un. Tu sais, c'est sûr que, genre. Quand même, assez. En tout cas, c'est pas la trash queer personne qui existe sur Terre. T'sais. Non, mais en même temps, t'as-tu besoin d'être trash, tu sais? Après ça, moi, c'est parce que c'est ça l'affaire. Moi, il faut que t'aies quelque chose à dire. Si tu t'en veux juste de raconter ta vie de famille puis que tes mères sont lesbiennes, là. M'excuse, mon gars. I would never. Oh my God, not me. Non. Mais... Moi, dans les mots de Selma God, si tu me donnes un micro, je vais au moins dire une affaire importante. Ouais, mais en même temps, tu sais, moi, je suis comme tant qu'à ce qu'il y ait une demande pour ça, puis qu'il y ait, genre, du monde qui fasse du stand-up, ben, je trouve ça cool que, genre, il y ait quelqu'un. Je sais pas, là. En tout cas, moi, genre. J'avoue que ça revient aussi à la question de est-ce qu'on est tout obligé d'être militant, militante tout le temps? Est-ce que. Non. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a aussi le. Faut faire attention de ne pas tomber dans le. Ah, oh, mais là, on voulait plus d'étiquettes, mais on se met des étiquettes. Ça m'énerve un peu, mais le. On n'est pas non plus obligé de se mettre en scène as suffering queer people pour toujours. Oui, c'est ça aussi. On a le droit de prendre un break, tu sais. On a vraiment le droit de prendre un break. Ouais. C'est ça. Moi, je fais le choix de ne pas en prendre, mais il y a du monde qui prend un break, ce qui est correct. Est-ce que. C'est une bonne affaire. Parce que, il y a une tendance à inclure du queer people en ce moment. Le monde s'essaye. C'est comme bien vu. Ouais. Bon, mauvais, est-ce qu'on se fait tokenize? Est-ce qu'il y a un problème? Tu sais, tout le temps, les absents ont toujours tard. Est-ce que c'est une mauvaise affaire? Mettons, tu sais, il n'y a pas longtemps, moi, on m'a offert une entrevue, mettons, 24 heures. J'étais comme, 24 heures, c'est quand même québécois. Je pourrais les envoyer chier. Là, j'étais comme, ouais, mais juste rien dire, c'est pas mieux non plus. Mm-hmm. Fait que je devrais prendre l'occasion. Qu'est-ce qu'on pense de ça, se faire tokenize? Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que t'aimerais ça? Est-ce que t'aimes ça? Ben, en fait, est-ce que t'aimes ça? Parce que t'es arrivé toi aussi. Là. Ah, mais moi, ça dépend pourquoi. On ça le prend, que... tu le fais-tu? Mais moi, s'il y a un game pour moi, pour vrai, je vais le faire. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire du stand-up. Puis genre, si tu me veux parce que t'as besoin d'une personne queer, puis ça fait longtemps que t'as pas eu une personne queer dans ton line-up, moi, y aller, moi, je veux en faire. Je veux me faire connaître, je veux comme créer des réseaux. Puis genre, si ça me facilite versus comme un énième gars straight qui est sûrement fucking drôle aussi, mais que genre ben moi je peux prendre la place puis je peux être une personne queer dans la place, ça va me faire plaisir. Ouais, ouais. C'est juste que moi c'est vrai que la journaliste c'est quoi c'était rêveuse. Journaliste et rêveuse, c'est ça. Oui, la journaliste et rêveuse sur ton Instagram qui voulait que je parle de Harry Styles. J'étais comme, moi, j'ai autre chose à faire dans mon après-midi. Ben oui, mais moi, c'est parce que c'est ça. J'avais un agenda, mais finalement, il n'y a aucune des quotes que je voulais qu'il passe que passer. Ben j'ai passé mon temps à dire que le vrai problème, c'était Éric Duhaime, la montée de la droite puis le fascisme au Québec, mais comme. Non, mais c'est ça. Ils ont juste gardé. Ah, oh, mais tu sais, Harry Styles, il est ambigu, là. Puis... Mais en même temps, ils m'ont donné le plus de quotes puis la dernière phrase. J'étais content. Non. J'étais content. Est-ce qu'elle aime savoir le dernier mot? Hey, my oh. Si, elle aime savoir le dernier mot. Ça y a fait un vélo. Lourd, si du satin de. Ça vient d'où le satin? C'est quoi la place là, hot pour le satin? Tu penses-tu que je sais comment c'est? Ça, ouais. Acheter du satin, c'est quoi la place? Ouais. Mais non, t'es trop vulgaire. Fait que. Moi, m'en vais chez Tim Horton. T'en vas chez Tim? Oui. Puis si mon café n'est pas servi par Tim Horton en personne. Ben, Chris. Je sais pas ce que je fais avec le café. Moi, plutôt de me donner un itinérant. Je sais pas si. Mais je le prendrai pas. T'as-tu vu, hein? Joke moi, trash, Jess is getting some clout, fin de la joke trash. Mais moi c'est juste, moi, c'est juste là, comme, je le prendrai pas, me le donner un itinérant. Non, mais Carlis, on va pas jeter un bon café, non? Mais non, mais c'est juste que je vais être traité. C'était quoi cette liste-là à Tim Hortons? Alice, puis on revient, over, café. Pour vrai, Tim doit être dans tous ses états. Là, Tim Hortons, aussi, là, il est bête. Over, café, on vous revient. Bon, ciao. Salut, Tim. Salut, Tim. Ça fait que Tim Horton n'était pas là. Fait que on est allé quoi, Papineau Sainte-Catherine voir si Café Dépôt était présent. Et puis Café Dépôt était là en personne. Était là en personne pour me servir mon hostie de pumpkin spice latte. Ben, il y a pas les... Voilà. Mais je voulais pas aller au Starbucks parce que si Starbucks se présentait à personne, je veux pas de cette crème là. Moi, non, ça m'intéresse vraiment pas. C'est ça. J'espère vraiment que les gens savent c'est qui Starbucks pour de vrai parce que sinon ma joke elle vient de tomber dans le fleuve. Non, en tout cas, moi je savais pas mais c'est un bœuf qui était vraiment reconnu pour ses capacités reproductrices. Ah. Donc je ne veux pas que cette personne me serve mon café. Ouais. Pourquoi je sais ça, moi, Galice? Je sais pas. Référence de Country Girl, I guess. Je sais pas. Aussi, l'ami des animaux, c'est moi et ça. Hey, gars. OK, fait que là... On est revenu au café. Oui, on est revenu au café. Puis, pour build un peu sur ce qu'on disait tantôt, tu sais, dans un monde de marde. Moi, je me suis parti sur le sujet, mais... Dans un monde de marde, là, disons-le, tu sais, comment on peut chercher le succès puis l'accomplissement, mais tout en restant critique, tu sais? Est-ce qu'on peut rester critique, mais se réaliser dans quelque chose d'autre que de planifier activement, concrètement la révolution? Oh my God! Est-ce qu'on peut, ultimement, oui. Parce que vous avez le droit. Je suis bien about me dans cet épisode-là, I guess, mais comme, moi, je le ferais pas. Non, mais OK, mais non mais pour vrai, là, t'es vraiment hashtag gauche-austère. Ah oui, oui, oui. Mais moi, je pense que... Même si le monde est... Moi, austère, impossible. Même si comme le monde est vraiment de la merde, les solutions n'ont pas nécessairement à se passer dans la douleur, dans la souffrance. Non, genre. Non, j'ai du fun à faire ce que je fais, bout de calice, mais... Non, je sais, mais c'est ça. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on le fait sonner comme si n'importe quelle opportunité d'avoir comme... une plateforme devait nécessairement comme être utilisée au maximum, puis dans comme qu'il y a de plus brainy, puis de lourd, puis d'éducation pour faire changer les choses, puis comme oui, mais on peut aussi le faire dans la légèreté et le plaisir, puis ça peut être correct. La révolution, faut que ce soit le fun. La révolution, faut que ce soit le fun. Moi, c'est rien que la gang de sti de genre dans Nord Oster de salon. Militant de commun, non, sti. That's it. Je me tiens avec des drag queens. That's it. Mais c'est ça, tu sais. Je veux avoir du fun. La gauche est plate, OK? C'est le temps, on va le dire dans cet épisode-ci. Quand that's it. La gauche, vous êtes c'est plate. C'est réglé, la gauche est plate. Si, bon. Vous êtes plate. Bon. Non, mais on veut bien, là. Mais genre, c'est vrai que des fois... Pourquoi comme... tu penses que Pivot nous a embauchés? Hein? Allez lire cet excellent article sur les problèmes de fiscalité au Québec. Fait que là, on est ici maintenant. Mais ils n'allaient pas le dire. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un le fasse. Ça rentre dans la catégorie des gens qui sont moins politiques. C'est ça, mais comme, on est bien ben à notre place en ce moment. Voilà. À dire de la merde dans un micro. C'est sûr, je suis d'accord. Faut avoir du fun, c'est correct. T'es pas obligé d'être tout le temps en train de souffrir, puis l'écume au bord de la gueule, puis whatsoever. Mais comme, c'est ça. Moi, je suis une partisane de oui, il faut rester critique. Par contre, tu sais, mettons, on l'a beaucoup vécu avec On dira ce qu'on voudra. Où là, oui, on était relativement trash, mais on restait quand même family friendly. Oui. Tu sais, je pense que, puis ça, bon, c'est propre à certains types d'humour, mais je pense qu'on a le moyen d'amener un, ben voyons donc, ils n'ont pas dit ça, tout en restant vraiment loin des pires affaires qu'on peut dire. Oui. Je pense qu'on a, en tout cas, moi j'ai développé cette catégorie-là de susciter une réaction outrée, peu importe le contexte, avec différents levels. Ouais, donc, mais c'est ça, mais c'est vrai. Je ne vais pas crisser à la job dehors pour ce que j'ai dit, mais je vais quand même outrer le monde à la job. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a moyen de niveler selon les contextes, puis tu sais, genre, de... Parce que le truc, c'est aussi de maîtriser le choquer ton audience juste assez, mais pas assez pour les faire décrocher. Voilà. Parce que quand t'es dans des trucs trop confrontationnels, des fois, tu brises aussi le lien de confiance que les gens peuvent avoir avec toi, puis ils sont comme, OK, mais whatever. Ça serait dingue de moi, je roterais bien plus sur Crash ton thé, mais le monde s'en irait, ça serait dégueulasse. Sacrement, là. Ça serait dégueulasse. Oui. Excusez, faut que je fasse des plugs au fait que je rate sur Crash ton thé. Mais des fois plus qu'une fois par épisode. Genre. Oh, et au moins deux, là, ça c'est sûr. Mais oui, mais qui ne rate ni ne pète et voit l'explosion. Non, je sais, mais moi j'ai des écouteurs, là, moi j'entends ça. Mais je sais les ce gens qui nous écoutent, la vaste majorité ont des écouteurs. La vaste majorité ont des écouteurs. Est-ce que toute personne. Et ça, c'est la grosse question qui tue, par exemple. Ouais. Est-ce que toute personne qui a du succès est vouée à devenir vendue? Mais tu sais, genre. OK, moi, mon problème avec l'espèce de. Nécessairement, on est tous vendus parce qu'on participe tous à la game du capitalisme. Genre, ça va, là. Tu sais, à un moment donné, business is business. Là. Genre, tout le monde a besoin de payer le loyer, tout le monde a besoin. Tu sais, comme. C'est-à-dire que. Comme, certainement, il y a des jobs plus éthiques que d'autres. Oui. Là, on s'entend. C'est que là, que tu parles de célébrités, de gens qui ont des tribunes, qui ont des audiences ou juste de choix de carrière en général, t'sais. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des jobs plus éthiques que d'autres, mais il n'y a aucun job complètement éthique dans le capitalisme. Ça va, on contribue tout. Puis, genre, je comprends aussi les gens qui sont rendus à un certain niveau d'influence de homme mané comme business is business. Oui. Puis, genre, ils peuvent pas mener tous les combats à la fois, puis ils vont faire comme check. Puis. Tu sais, nous, on le voyait moins parce qu'on produisait vraiment nous-mêmes, là, de A à Z. Mais tu sais, mettons, là, t'as un talk show, là. C'est une grosse machine. Ouais. Il y a du monde qui travaille là-dessus. Ouais. T'as cette pression-là quand même. Il y a un entourage. Tu sais, on pense que les médias, c'est rien que des vedettes, mais il y a un hostie de paquet de monde qui travaille. Je sais, ça fait 3 ans que je fais du editing, calé, je suis plus capable. C'est un gros bordel, là, des gros shows comme ça. Fait que, tu sais, succès égale un peu responsabilité. Ouais. Mais après ça, tu sais sur quoi tu signes aussi. Ouais. Tu sais, tu choisis un certain level de succès aussi, des fois, ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, comme, il y a une espèce de... Puis, comme, je comprends la logique, je la condamne pas absolument, mais il y a un quelque chose derrière le fait qu'il faut bien gagner sa vie. Après ça, c'est un choix que moi, j'ai fait, encore une fois, mais comme, moi, j'ai ma job de jour qui me garantit un gagne-pain. où je ferme ma gueule puis je suis une bonne capitaliste. Puis j'ai choisi mon art et mon succès pour être vraiment militant et activiste. Fait que je pense que oui, il y a moyen de choisir. Ben après ça, c'est ça. Est-ce que je pourrais avoir plus de succès dans les 10,000, dans les hundreds of thousands of people qui savent qui? Dans la formule actuelle, je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que j'en vende. Peut-être faudrait que je selle un peu de politics pour se rendre là. Après ça, il y a toujours aussi l'enjeu, est-ce que tu as le droit de faire les deux? Parce que, mettons, là, nous autres, on travaille avec Pivot, Média de gauche, on a crash tonté, c'est pas avec eux autres, puis ils s'en collent, il n'y a pas de convergence. Si on est à TVA, tu peux pas avoir un side project. Oh ouais. T'es à TVA. Après ça, c'est ça. Tu choisis Radio-Canada, TVA, nanana. C'est sûr, tu te ramasses à TVA, ça n'en dit un petit peu sur ton background. Ouais. Un petit peu. Ouais. Oh oui. Ben oui. Voilà. Mais je pense que, tu sais, moi, je veux sentir que les gens essaient de faire le moins de compromis possible, mais je pense que tout compromis n'est pas nécessairement un aveu d'échec d'être vendu. Tu sais, il y a du monde qui ont le compromis facile. Oui. Non, mais c'est ça. Oui. Il y a aussi un truc où, genre, tu sais, il y a du monde qui vont pas comme essayer de voir c'est quoi leur gauge. Puis tant qu'on n'est pas en train de voir, de tester tout le monde, c'est quoi un peu notre wiggle room, c'est sûr qu'on fera rien changer. Il y a du monde qui get scared vraiment plus facilement, tu sais. Mais en même temps, c'est vrai que quand même que, je sais pas, moi. Je veux dire, comme c'est vrai qu'en tant qu'individu, même si t'es une célébrité puis que t'as full le pouvoir, tu sais, je veux dire, si Taylor Swift se prononce contre Trump pendant des élections, ça a une influence. Puis c'est là où je suis comme, bitch, you have one job, tu sais. Mais si, je sais pas, moi, genre, quelqu'un, tu sais, quand même que. Mais quoi que je pourrais. Je serais marimé. Mais c'est Marimé, ça, je comprends dans le go, ah ouais. Moi, je veux les voir faire ça. Si, je veux être la première à crier. Non, non, non, mais je pense, mettons, je sais pas, là, sur des affaires comme. C'est-à-dire que sur des affaires vraiment plus précises où, genre, ben, tu sais, de t'embourber dans. Soutenir, tu sais, comme défendre quelque chose publiquement qui te. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Ok, moi je m'en vais en aller à quelque chose. Parfait, va-t'en quelque part, va-t'en quelque part. Quelque chose qui est très difficile à combattre, c'est la capacité inhérente du capitalisme à absorber absolument tout. Ouais, à récupérer ses propres critiques en fait, ouais. Genre, c'est extraordinaire le nombre de brands qui ont bâti leur fortune sur la rébellion et le fait de ne pas écouter la norme. Il y a un market pour ça, mais ce market-là est très encadré. Puis bon, depuis les dernières années, ce market-là s'en va vraiment à droite parce que c'est basé sur la colère populaire. Puis ça, c'est un peu bizarre, là. Ouais. Mais déjà, la colère populaire, c'est un drôle de concept vague, mais c'est pas un épisode là-dessus. Fait que moi, ça, c'est ce que je trouve difficile. Genre, à un moment donné, tu vas toujours finir par être une mode. Par être « Oh my God, t'es tellement drôle, t'es tellement outrageous, on te veut partout pendant 2 mois. » Genre, mais c'est un peu la même chose comme quand t'es queer et t'es connu. Après ça, le spot est pris. Il n'y aura pas 24 plumes la traverse qui vont aller à tout le monde en parle semaine après semaine. Mettons, là, je donne un exemple de vieux Chris qui chiale tout le temps pour comme comparer. Puis qui était trash, mais comme. You get the vibe, genre. Il n'y en a pas 60 000 du monde de même. Tu sais, t'as tout le temps des personnes vraiment intenses qui sont connues pour être la personne vraiment intense. Elle se fait inviter comme étant la personne vraiment intense. Ouais. Fait que ça, même ça, genre, fait que c'est ça. Est-ce que t'es obligé d'en vendre un petit peu, à moins que tu sois la personne très chanceuse qui a été brandée as trop intense? Ouais. Non, c'est puis vrai. Qui gagne sa vie là-dessus, Jeff Fillion dans la droite, mettons. Oh mon Dieu, qui est outrageant, ça se peut pas dire des affaires de même. Tu pourrais pas en avoir 65 à TVA, ça serait trop obvious que c'est des fascistes. Non, c'est vrai, ça. Oui, en tout cas, les radios de Québec se privent pas, là, mais oui, nous autres, ils en ont 47, mais ça, c'est un autre problème. Les autres se sont pas vendus, au contraire, ils sont drette dans où est-ce qu'ils veulent être. Les tabarnak. Au bûcher! C'est quoi les unités de mesure du le kilopascal. Ouais, OK, parfait. D'accord. That's it. Sujet clos. On s'en va demander un café. non, mais tu sais, comme... de personnes queer influentes, genre vraiment... OK, comment qu'on mesure le... Comment qu'on mesure... Ou tu sais, mettons, même... comment tu mesures... Je pense que la chose la plus triste à dire, c'est quand les straights savent t'es qui, mais... Mais en même temps, non, tu sais, genre, Trixie a bâti une fortune, puis genre, les straights savent... Il y a beaucoup de straights qui savent pas, tu sais. Il y a juste RuPaul qui est vraiment sur le bord d'être A-list dans la catégorie drag queen, on va dire. Ouais. À part au Québec où Rita est A-list, ça, c'est clair. Ouais. Mais comme, justement, tu sais, c'est ça, Rita, les hétéros savent c'est qui. Oui. RuPaul, les hétéros savent c'est qui. Oui. Fait que ça, tu sais, c'est bon, on parle plus de succès externe. Succès interne, c'est sûr que quand le vocabulaire commence à se former autour de ce que tu fais, tu sais, bon, un exemple vraiment minime, mais les moons. c'est devenu un mot, là. Il y a du monde, il y a même d'autres mondes qui se brand avec ce mot-là, puis je suis comme, excusez, c'est comme nous autres. Ouais. Mais comme... Ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'on est iconic. Oui. Mais tu sais, comme quand les gens commencent à avoir un système de référence basé là-dessus, puis t'as pas besoin de spécifier que c'est basé là-dessus, ça, pour moi, c'est une grosse unité de succès. Ouais. Quand tu commences à avoir une influence sur la culture populaire. Ouais. Ah, là. Mais le succès, en même temps, en ce moment, le succès se calcule beaucoup en influence, en fait. Oui. C'est vraiment beaucoup ça. Puis en capacité à mobiliser de l'attention, en fait. Ben, tu vois, je sais pas si moi je le mesurais comme ça. Je sais qu'on le fait instinctivement. Mais comme, tu sais, nous autres, là, on a quoi sur Instagram? 3600 followers. Ouais. Mais ça feel comme si on avait 20 000. On se fait écrire super souvent. Le monde est dedicated. Oui, mais le monde veut ça. Le monde, c'est-à-dire que c'est vrai que le nombre, si t'en as. Il y a aussi le niveau de passion des gens qui tuent. Oui, mais si t'en as 10K, mais que genre t'as la même quantité que les gens qui nous écrivent qui. C'est exactement. Qui interagissent, ça, t'en as plein qui servent à rien. J'en vois du monde sur Instagram qui ont des 36 000 likes parce qu'ils ont pogné des bouts vraiment viraux. Mais le trois quarts de leur content, t'as genre 200 likes, 300 likes, 400 likes. Mm-hmm. Genre, c'est difficile, je trouve, de connaître. Tu sais, ça répond peut-être un peu à la question, est-ce que... Parce qu'il y a aussi la connexion avec l'audience. À quel point c'est légitime, pas légitime, valide, genre, à quel point c'est réel, tangible. Après ça, bon. Mais pour moi, je vois aussi la capacité à mobiliser même 200 l'attention. Personnes, c'est un peu difficile à mobiliser dans ta tête. Là, non, mais moi, je vois aussi la capacité à mobiliser l'attention comme t'es capable de faire déplacer des gens pour tes événements. T'es capable de, genre, les gens vont venir vers toi pour t'avoir dans des gigs ou des opportunités parce qu'ils savent que tu vas mobiliser une crowd, que tu vas mobiliser l'attention des trucs. T'sais, ça, c'est quand même des bonnes mesures d'unité de succès qui sont pas, genre, tu fais de l'argent, tu as une assistante. Ouais, c'est ça. Genre... sinon, ben, c'est. Oh, mon Dieu. Je me pose beaucoup. Ça m'habite beaucoup, c'est parce que justement, on a du succès. C'est un peu pour ça que cet épisode-là. Puis, pour vrai, on est à veille de virer folle. Là. Watching Not Breakdown. La saison 4, là, c'est le moment où ça devient trash. Là. C'est le moment où ça. C'est genre, avant, c'était pas avant, trash. Avant, pour vrai, c'était relax. Smooth, le ride. Bitches were spiraling. Là. Genre, ça va pas. Là. Donc, nous, on s'en va prendre un dernier café derrière nos lunettes de soleil en se mettant un hoodie parce que là, le monde qui s'arrache notre linge. Moi, je suis plus capable. Qui crie nos noms. Non, c'est ça. À un moment donné, c'est deafening, j'entends plus. J'entends, je me couche le soir, j'ai les oreilles qui cillent tellement on a crié mon nom toute la journée. Puis on vous revient over caféiné. Puis on vous revient over caféiné. Et c'était tout pour notre épisode de cette semaine. La grande première de notre saison la 4. La grande première de la saison 4. Notre le début de la fin de la déchéance. Le succès nous est monté à la tête. Oui. On est comme des enfants stars qui ont c'est plus ça. De repères. C'est la quatrième saison. C'est l'automne. On meurt tranquillement. Ouais, on va se faire mettre sur un conservatorship quelque part. Puis on va, c'est ça. Oui, ça va être free 2/5 dans pas trop long. On là. Cligne des yeux, ça tu va pas faire des choses. Oui, j'ai des problèmes mentaux, j'ai le droit. Parfait. Parfait. J'ai pris cette décision. Là, on en parlait pour faire des jokes. Parfait. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant le chiffre 2. Fif avec un UX à la place du I parce qu'on veut pas se faire shot down par la police des mœurs. 2 Fif le matin, tout en un mot. Tout en un mot. Donnez-nous 5 étoiles. Abonnez-vous à notre Patreon. Donnez généreusement. Donnez généreusement. Donnez généreusement. Partagez notre podcast. Ça, on aime ça quand vous le partagez sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, ça fonctionne fort pour nous autres. Voilà. Le bouche à bouche, on apprécie toujours aussi. Voilà. Ass to mouth, ça ne me dérange pas non plus. Bon. C'est jamais un problème. That's it. Alors, les mounes, on vous souhaite une excellente semaine. On se rejoint la semaine prochaine pour un autre excellent épisode de Vip le matin. Bonne semaine, toi. Bonne semaine. Ciao. Bye. Bye, c'était le fun. Bye, c'était bon. Ah, je suis content. Bravo. Oh, je veux bien recommencer. Je suis dans.